cours numéro 9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fantahina fi darsina sabiq wa lillahi alhamd min bab al-qada. Et on avait résumé à la fin du dars wa alhamdulillah. Fanaqra le dernier bab. Qala babun fi ma yalzam من أفطر لكبر أو مرض. Il conclut ce chapitre, ce kitab, kitab al-siyam, avec ce bab. تقدم معنا أن si un muslim il a manqué un jour de siyam, فعدة من أيام أخر كما قال عز وجل, أنه يغطر. لكن بعض المسلمين ils ont un عذر et ils ne peuvent pas faire siyam. إما les kibar sin, shaykhun kabir, un vieux mathalan, il a atteint un âge très avancé, il ne peut plus faire siyam. Ou marid, marad muzmin, la yurja bur'u, un muslim, il a une maladie grave, comme le cancer mathalan, et son état, il est très grave, il ne pense pas, illa an yasha Allah, être guéri. Fahaula, mada alayhim, vu qu'ils ne peuvent pas rattraper, compenser les jours manqués, fa mada alayhim. قال شيخ البوزان الله سبحانه وتعالى أوجب صوم رمضان على المسلمين أداء في حق غير ذوي الأعذار. أداء تقدم معنا أي celui qui n'a pas d'excuse va y doit jeûner. أداء il a pas le droit de repousser, أي il fait رمضان quand le mois de رمضان il débute jusqu'à la fin. وقضاء في حق ذوي الأعذار. Et l'obligation concerne tous les musulmans, mais certains musulmans ont une excuse pour Ramadan. Mathalan, il est en voyage, ou il tombe malade. Fahada, c'est wajib alayhi, lakin de rattraper. Fahada qawluhu qada'an. Alladhina yastati'una al-qada' fi ayyamin ukhra, wa hunak sinfun thalith la yastati'una as-siyam da'an wa la qada'an kal-kabir al-harim. Ay shaykhun kabir, il a un âge très avancé. والمريض الذي لا يرجى برؤه فهذا الصنف قد خفف الله عنهم فأوجب عليه بدل الصيام طعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام. هؤلاء لا شك أنهم يفوت الصيام, واتقوا الله ما استطعتم, c'est au-dessus de leur capacité. لكن شيخ الفوزان قال أوجب الله عليهم بدل الصيام طعام مسكين, أي هؤلاء doivent nourrir pour chaque jour manqué un pauvre. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, وقال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم, رواه البخاري. قال والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه في حكم الكبير فيطعم عن كل يوم مسكينا. فلو مرض من مرضه لا يرجى برؤه, il est comme le vieux, via d'al-hal, le vieux qui ne peut plus faire au siyam. هذه المسألة كذلك فيها خلاف بين أهل العلم. Est-ce que هؤلاء ils sont dans l'obligation de nourrir un pauvre pour chaque jour manqué أم لا؟ Cheikh Fawzan il a cité قول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما, en se basant sur le verset وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. العلماء اختلفوا في هذه الآية. Certains savants ils ont dit elle est mansoukha, elle a été abrogée. Et d'autres savants ils ont dit là qu'Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما. On résume le khilaf brèvement. بعض العلماء قالوا يجب الفدية, أي إطعام عن كل يوم مسكين. Ce vieux ou ce malade, ils doivent nourrir pour chaque jour manqué un pauvre. Ils ne peuvent pas faire siyam, lakin baqiy al-fidya. Bien sûr, s'ils peuvent. S'ils ne peuvent pas, فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثلا, un malade, il est pauvre, il n'a pas de quoi nourrir les autres. فهذا لا شك أنه, il ne nourrit pas de pauvre. Lakin s'il peut, عندهم يلزمه ذلك. Il doit le faire. Et ils se sont basés sur le verset وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Et كذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم ils l'ont fait, كأنس بن مالك رضي الله عنه, ابن عباس et d'autres. القول الثاني لا يلزمهم الفدية, أنهم ils sont pas dans l'obligation de nourrir un pauvre. Et c'est قول الإمام مالك رحمة الله عليه وغيره. وقالوا عن الآية أنها منسوخة. Et ils se sont basés sur hadith. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها أي قوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه فنسخت الآية لكن أصحاب القول الأول ils ont dit كما قال ابن عباس on relit son كلام قال هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم ابن عباس لا démontré أنها n'est pas منسوخة بل c'est pour le كبير et celui qui est في حكم كبير كالمريض هؤلاء ils nourrissent pour chaque jour un pauvre. Al-khilaf il est qawi fi hadhihi al-mas'ala. Pour rajah c'est pas simple, lakin al-imam ibn Abd al-Barr rahmatullah alayhi qal. On cite son kalam comme fi al-istidhkar. Wa as-sahih fi an-nadhar wallahu a'lam. Qawl man qal in al-fidyata ghayr wajibah 'ala man la yutiq as-siyam. Fal-ladhi yadhhar c'est hadha al-qawl. Anna c'est pas obligatoire. Celui qui nourrit un pauvre pour chaque jour manqué, pour ce musulman qui a une excuse, un vieux ou un malade, قال لأن الله تعالى لم يوجب الصيام على من لا يطيقه لأنه لم يوجب فرضا إلا على من أطاقه. Et هذا القول في الحقيقة يغني على cette قاعده مهمه, c'est une règle في دين الله, أن الله عز وجل il n'impose personne au-dessus de sa capacité. La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Ha'oula, c'est au-dessus de leur capacité de siyam, fa ils sont excusés. Baqi anna ba'd as-sahaba radiyallahu anhum ils l'ont fait, fa hada ça montre al-istihbab. Fa al-khilaf, vous avez remarqué, il est fil wujub. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Mais le faire, c'est tayyib. Fa li hada nahnu conseille ceux qui sont touchés par hada, par une maladie muzmina, marad muzmin, ou la vieillesse, annahum أنهم ينورسون pour chaque jour. لكن القول بالوجوب فيه نظر. قال رحمة الله عليه أي ابن عبد البر toujours لأنه لم يوجب فرضا إلا على من لم يوجب فرضا إلا على من أطاقه والعاجز عن الصوم كالعاجز عن القيام في الصلاة وكالأعمى العاجز عن النظر لا يكلفه. Il compare cela à celui qui ne peut pas se mettre debout في الصلاة. Est-ce qu'il y a une autre obligation? لا. وأما الفدية فلم تجب بكتاب مجتمع على قراءته ولا سنة يفقهها من تجب الحجة بفقه ولا إجماع في ذلك عن الصحابة ولا عمن بعدهم والفرائض لا تجب إلا من هذه الوجوب والذمة بريئة. هذا سنقول قوي. On n'a pas de dalil clair qui montre l'obligation. Le verset fait khilaf. بعض العلماء قالوا il est منسوخ. بعض العلماء قالوا لا. العلماء الصحابة اختلفوا. العلماء بعدهم اختلفوا. Et pour citer un hukm et que telle chose c'est obligatoire, il faut un nas shara'i. La but. Et on n'a pas de nas. Et al-aslo, c'est que al-dhimma al-ibari'a. Al-aslo, c'est que ces choses ne sont pas obligatoires. Celui qui prétend que c'est obligatoire, fa'alayhi bid-dali. Fa'alayhi yadhar anna qawl al-imam ibn Abd al-Barr, rahmatullah alayhi, et c'est qawl l'imam Malik, il est aqrab wallahu a'lam. Lakin, comme on répète souvent, pour sortir de ce khilaf et min bab al-ihtiyat, anna celui qui a le qudra, fa il nourrit un pauvre pour chaque jour et inshallah il est ma'jour, comme a fa'ala Anas ibn Malik wa ghayruhum min ashab rasulillah radiyallahu anhum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Hada al-qawl il est aqrab. Thumma qala Cheikh al-Fawzan, wa amma man aftara li'udhrin yazul kal-musafir والمريض مرضا يرجى زواله والحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما أو على ولديهما والحائض والنفساء فإن كلا من هؤلاء يتحتم عليه القضاء. نعم. أما celui qui a mangé في نهار رمضان أي qui n'a pas jeûné بأنه il avait une excuse فإن doit rattraper ce jour. بأن يصوم من أيام أخرى بعدد الأيام التي أفطرها قال تعالى من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا تقدم. وفطر المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة سنة لقوله تعالى في حقهم فعدة من أيام أخر، أي فليفطر وليقضي عدد ما أفطره. قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، كما في الرواية ضال حديد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. tant que c'est pas un إثم. quand le Nabi صلى الله عليه وسلم il avait le choix entre deux choses il choisissait la chose la plus facile tant que c'est pas du إثم bien sûr. الحديث عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قال وفي الصحيحين ليس من البر الصيام في السفر. هذا تقدم معنا. et on résume ici أن à la base le voyageur et le malade ils ont le choix. Celui qui mange, celui qui ne fait pas le siyam, la yunkar alayh, et celui qui fait le siyam, la yunkar alayh. Il est mukhayyar. Et on avait cité les ahadis. Vaqiya, s'il a la qudra, ça ne lui fait pas de mal. Al-afdal, c'est de faire le siyam pour le voyageur. Amma al-marid, bien sûr, si et ça ne lui fait aucun mal, fa yajib alayhi sawm. Li'anna al-illa vil marad. C'est que s'il est affaibli ou ça empire son cas. Mais si c'est une maladie et il peut faire siyam, ça ne le gêne en rien, fin, il fait siyam. Là, on avait un kalam de Cheikh Ibn Uthaymeen fi hada. Non. قال Cheikh Ibn Uthaymeen رحمة الله عليه في شرح رياض الصالحين أما المرض الذي يؤثر به الصيام كمرض العين كأنه لا يؤثر يؤثر لا يؤثر كأنه لا. أما المرض الذي لا يؤثر به أو لا يتأثر به كانه لا يتأثر به الصيام. نعم. قال أما المرض الذي لا يتأثر به الصيام كمرض العين اليسير ومرض السن اليسير وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز فيه الفطر. أما واحد مثلا إلي مالاد إلى مالا لدن أو إلى مالا أن أي إلي كونسيديري كوم مالاد. Peut-être qu'il ne peut pas travailler, etc. Lakin, il peut faire siyam. Ça n'a rien à voir avec siyam. Ça ne l'affaiblit pas, etc. Fahada yajib alayhi sallam. Amma le voyage, tu as le choix. Mafhoum. Baqiya le voyage, si ça ne lui fait aucun mal, ça ne l'affaiblit pas, est-ce que c'est mieux de jeûner amla? Taqaddam ma'ana anna l'afdal, c'est de faire siyam. On avait lu kalam Cheikh Ibn Uthaymeen. Le kalam de Cheikh Ibn Uthaymeen qu'on vient de lire, min sharh riyad al-salihi. قال شيخ الفوزان وإن صام المسافر أو المريض الذي يشق عليه الصوم. vous avez remarqué المريض الذي يشق عليه الصوم. أما المريض ça lui fait aucun mal à son siyam فهذا يجب عليه الصيام. هنا نوت مسألة قال وإن صام المسافر أو المريض الذي يشق عليه الصوم صح صومهما leur siyam il est valide. وتقدم معنا أن pour le مسافر si ça lui fait aucun mal c'est mieux. لكن si une مشقة c'est mieux de ne pas jeûner pour le مسافر. Si il jeûne, s'il fait quand même siyam alors que c'est difficile, là chacun a siyam, il est sahih. Lakin, ils ont délaissé al-afdal. Ma'a al-karaha, wa amma al-ha'id wa al-nufasa, fa yahrum fi haqqiha al-soum hal al-hayd wa al-nifas wa la yassih. Amma la femme qui a al-hayd wa al-nifas, fa haramun alayha an tasoum. Et on avait fait un tambih. Huna, les jeunes filles qui viennent, robama c'est la première année, elles sont touchées par le haid, les parents yantabihoun, robama tassoum an jahl, ou, bab al haya, elle ne dit pas qu'elle a été atteinte par le haid, robama tassoum. Ça c'est grave, là. Al haid wa nufaza la tassoum. Et bien sûr, elle rattrape le siyam. Et si cette femme elle fait le siyam, là, chakanahou la yassih, bel c'est haram. Elle est athima. Si elle c'est an jahl, on doit lui montrer et inshallah elle ne recommence pas. قال والمرضع والحامل يجب عليهما قضاء ما افترطا من ايام اخر. المرضع والحامل هؤلاء كذلك font partie des personnes qui sont excusées. La femme enceinte et la femme qui allait son enfant. يجب عليهما قضاء ما افترطا من ايام اخر. Bien sûr, si cette femme elle ne jeûne pas, لان le jeûne ça l'affaiblit ou ça peut faire du mal à son enfant, elle ne fait pas un siyam, mais elle rattrape. مع القضاء على من أفطرت للخوف على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته. Cette مسألة اختلف فيها العلماء. Si cette femme a la peur pour son enfant, elle rattrape le jour et كذلك elle nourrit un pauvre. أما si elle a pas peur pour son enfant, elle rattrape un jour. فقط. أو elle rattrape les jours manqués. لكن si elle a mangé parce qu'elle avait peur pour son enfant, ففي هذا الحال, elle rattrape le jour et elle nourrit un pauvre. هذا كذلك فيه خلاف بين أهل العلم. Et on résume الخلاف qu'on avait détaillé قليلا في شرح العمدة أو قبل هذا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: الحامل لا تخلو من حالتين. Ça c'est une précision sur la femme enceinte. Deux cas. إحداهما أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها. هذه المرأة الحامل إذا صامت فلا يؤثر الصيام عليها ولا على ولدها. Ça lui fait aucun mal à elle ou à son enfant. فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم. Cette femme elle doit faire الصيام وجوبا. لماذا؟ لأنها لا في حكم المريض. الصيام ça lui fait aucun mal. C'est comme le malade qu'on avait cité مثلا, il a mal à l'œil et il peut faire الصيام. هذا يجب عليه de faire الصيام. Vous avez remarqué que الرخصه, la facilité, c'est pour celui qui a du mal ou qui ne peut pas. Enfin, c'est pas toute femme enceinte qui peut ne pas jeûner là. C'est la femme enceinte et elle a peur pour elle ou pour son enfant. Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité ce cas. قال الثاني والحالة الثانية أن تكون الحامل غير محتملة للصيام إما لثقل الحمل عليها أو لضعفها في جسمها أو لغير ذلك. أما هذه إما سلف جمال إما سلف بلي. في هذا الحال على الوضع مانجي إلى غطخب لجور مانكي. هذا الكلام من فتاوى الصيام للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. Ça c'est une précision في ماذا؟ في الحامل. On lit la parole de Ibn al-Qayyim رحمة الله عليه ثم on résume cette مسألة. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم في الحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا إقامة للإطعام مقام الصيام يعني أداء مع وجوب القضاء عليهما. بعض العلماء منهم ابن القيم هنا أو إلى السيتي بلوتو أن بعض العلماء قالوا si cette femme enceinte elle a mangé لأنها avait peur pour son enfant elle rattrape un jour et كذلك elle nourrit un pauvre pour chaque jour. وهذه المسألة كذلك فيها خلاف. بعض العلماء قالوا كما قال الشيخ الفوزان أن نغي un pauvre pour chaque jour manqué. وبعض العلماء قالوا الغطخب ولا فدية. لماذا؟ لأن إفو أن دليل كذلك. قال الشيخ العزيمين رحمة الله عليه كما في فتاوى الصيام: لا يحل لحامل أو لمرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر كما تقدم. بيان سيو cette femme enceinte ou cette femme qui allait elle a le droit de ne pas jeûner si elle a une excuse, une faiblesse, elle a peur pour elle ou pour son enfant. Et un zarar, un mal. Amma s'il n'y a aucun mal, ça arrive en hiver, ça arrive, cette femme elle est jeune, elle a de la quwwa, ça lui fait aucun mal. Fayadibu alayha siyam, qu'elle soit enceinte ou elle allait. Qala, fa'idha aftarata li'udr, wajaba alayhima qada as-sum. Bien sûr, si elles n'ont pas jeûné, si cette femme n'a pas jeûné, elle est excusée, elle rattrape. Les paroles d'Allah Ta'ala fi al-marid wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyam ukhra. Wa huma bima'na al-marid. La femme enceinte et la femme qui allait, si elles ont peur pour elle ou pour leur enfant, c'est comme si elles étaient malades. Donc elles ont le hukm du malade, elles ont le droit de ne pas jeûner. Thumma qala wa idha kana 'udruhuma al-khawf 'ala al-walad فعليهما مع القضاء عند بعض أهل العلم إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الرز إلى آخره. Si elles ont peur pour leur enfant, enfin certains savants ils ont dit elles rattrapent le jour manqué, كذلك elles nourrissent un pauvre pour chaque jour manqué. قال الشيخ العثيمين وقول بعض العلماء ليس عليهما سواء القضاء على كل حال لأنه ليس في إجابة الإطعام دليل من الكتاب والسنة والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها أي الذمة. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه وهو قوي. في القول الصحيح أنه يا aucun دليل qui montre que même si elle a mangé parce qu'elle avait peur pour son enfant أنها elle doit rattraper un jour et en plus elle doit nourrir un pauvre. هذا يحتاج إلى دليل. قال شيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه الصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء، وما يروى عن ابن عباس وابن عمر أن على الحامل والمرضع الإطعام، قول مرجوح. نعم شيخ باز العسيتي أن ils ont rapporté عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن avec le rattrapage d'un jour الإطعام، il a dit c'est un قول مرجوح أي الصحيح c'est qu'il n'y a pas d'إطعام. قال مخالف للأدلة الشرعية، والله يقول سبحانه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Vous avez remarqué que ce verset c'est un أصل في هذا الباب، في باب القضاء. كذلك والفدية التي تبكو من ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالسلبي qui sort de ce dalil il est obligé de nous citer un autre dalil. مثلا la femme enceinte elle avait peur pour son enfant. Est-ce qu'elle doit nourrir un pauvre? On a ce dalil, c'est un os. Et ce qui contredit ce dalil, et c'est pas fondé sur un autre dalil, la femme enceinte, dans tous les cas, si elle manque un jour, elle le rattrape, wa kafa. Wallahu a'lam. قال رحمه الله أو حفظه الله ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة كالغريق ونحوه. قال ابن القيم رحمه الله وأسباب الفطر أربعة: السفر والمرض والحيض، تقدم معنا ولله الحمد، والخوف من هلاك من يخشى عليه الهلاك بالصوم كالمرضع والحامل، هذا كذلك تقدم، ومثله مسألة الغريق. مسألة الغريق أي لو رأى صائم سئ مسلم كيف الصيام يرى من يغرق يبوى واحد كي سنوى في الماء لا يمكنه تخليصه إلا بأن يفطر. Pour sauver cette personne, il sent qu'il a besoin de boire ou de manger quelque chose. لأنه ربما ça va l'affaiblir et il pourra pas. ففي هذا الحال يجوز له. أي une cause. فالعلماء يسيت cette مسألة. مسألة الغريق. فكذلك يجوز له. أي il a le droit de rompre son jeûne pour ce cas, pour sauver cette personne. Et il rattrape. قال ويجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل كصوم رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر بأن يعتقد أن يصوم من رمضان أو قضائه أو يصوم نذرا أو كفارة. Tout ce qu'il y a نية on l'avait résumé au départ. فهنا شيخ الفوزان يقول أن النية في الصيام الوجوب ça doit être avant le fajr. Et تقدم معنا أن النية on n'a pas besoin de la prononcer, بل la prononcer c'est une bid'a. كذلك تقدم معنا من كلام شيخ ابن عثيمين أن النية سي الإنسان يسغبي pour السحور مثلا سيسا سنية. لماذا؟ لأن سي سغبي سيكو pour faire الصيام. إلا شك أنه يسغبي سي كيف faire الصيام رمضان أو سيسا كفارة أو سيسا نذر. النية في القلب، الإنسان يحذر من الوساوس في هذا الباب. فكم من الناس يغفوا الصيام، لماذا؟ لأن الشيطان يوسوس لهم أنهم إذا بقى لانتنسيون أي غبت. نحذر من هذا. النية سي دون الكور. فمثلا سي سو سوار ان مسلم يفو الهلال اي اون انفورمي والله الحمد demain on doit faire الصيام، فأنت دون تون كور اوتوماتيكمون تو النية والله الحمد demain de faire الصيام. فلهذا ربما تو باش تي دي شوز، peut-être que tu vas te préparer, peut-être que tu vas changer ton programme. Tout ça, ça fait partie de la niya. Enfin, niya, ce n'est pas quelque chose de spécifique. Là, c'est dans le cœur. Wallahi alhamd, le musulman, l'aqil, ça vient tout seul. Enfin, l'insan, yahdhar min wasawis iblis fi hadha al-bab. Qala, li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, innama l'a'malu bin niyat, wa innama li kulli imri'in ma nawa, wa an Aishata marfu'an, radiyallahu anha, man lam yabit as-siyam qabla tulu'i al-fajr, fala siyam lah. فيجب أن ينوي الصوم الواجب في الليل، فمن نوى الصوم من النهار كمن أصبح ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر ثم نوى الصيام لم يجزئه. أما celui qui n'a pas mis niya أصلا il a même pas pensé à faire siyam ثم le matin après le fajr مثلا une heure deux heures après le fajr même s'il a rien mangé il met niya son siyam il est pas sahih. إنما الأعمال بالنيات. Niya doit être avant le jour. تقدم معنا كذلك أن الصحيح نية واحدة تكفي. Au départ مثلا si ce soir il voit le hilal et نحن ولله الحمد on a l'intention de jeûner, cette nia suffit pour tout le mois sauf celui qui a une coupure, un voyage ou une maladie. Inch'Allah automatiquement il remettra nia quand il pourra faire le siyam. أما النية après le fajr فلا. pour الصيام الواجب pour le صيام obligatoire. قال إلا في التطوع وأما الصوم الواجب فلا ينعقد بالنية من النهار لأن جميع النهار يجب فيه الصوم والنية لا تنعطف على الماضي. نعم. Tu peux pas mettre niya pour le passé. لا. النية c'est forcément pour quelque chose qui arrive. فcelui qui a pas mis niya avant le fajr, فالصيام il est pas صحيح. Il doit le refaire. أما صوم النفل. Ça c'est pour صوم الوجوب. Que ce soit Ramadan, que ce soit kafara, que ce soit nadr. Tout ça c'est obligatoire. الصوم النفل مثلا le lundi, le jeudi مثلا ثلاثة أيام من كل شهر مثلا des jours في شعبان. Tout ça c'est مستحب. فيجوز بنية من النهار لحديث عائشة رضي الله عنها دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال أو دخل علي نعم دخل علي أي على عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء النبي صلى الله عليه وسلم مرة il est rentré عند عائشة et il leur a demandé est-ce qu'il y a quelque chose à manger هل عندكم من شيء أي من الطعام فقلنا لا elles ont répondu là ça montre الحالة التي كانوا يعيشون هيها استنحالة من حالة ضيقة رضي الله عنهم فتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مرة حتى الأكل il leur a demandé est-ce qu'il y a quelque chose à manger قالوا لا ولا شيء ولا التمر ولا شيء لكن رفعهم الله سبحانه وتعالى صبروا et ils ont fait des efforts في دين الله عز وجل et Allah سبحانه وتعالى رفعهم الدنيا سجن المؤمن Allah subhanahu wa ta'ala, لو il aimerait le dunya, il l'aurait donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لكن الدنيا ملعونة كما جاء في الحديث. قال فإني إذا صائم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني إذا صائم. Donc je vais faire الصيام. Et بلا شك أن c'était la journée. Bien après الفجر. رواه الجماعة إلى البخاري. ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا لأنه طلب طعاما. Le fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé du ta'am, ça montre qu'il avait l'intention de manger. S'il y aurait du ta'am, il l'aurait mangé. Donc il n'était pas ça. وفيه دليل على جواز تأخير نية الصوم إذا كان تطوعا. Et ce hadith il montre كذلك أن si tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu, et tu ne trouves pas, ou tu changes d'avis, et tu veux faire siyam al-nafl, fayajouz. Tu mets la niya, مثلا à 9h du matin, à 10h du matin, tout le reste de la journée tu jeûnes, فإنشاءالله ton siyam il est sahih et t'es ma'ajoub. فتخصص به الأدلة المانعة. نعم. Donc il y a une différence entre le wajib ou le nafl. C'est quoi qui nous a permis de différencier hadith Aisha رضي الله عنها. هكذا العلم. Tu ne peux pas خصص un dalil إلا بدليل. أما أقوال أهل العلم ça t'aide à comprendre la parole d'un savant ça spécifiera jamais un délit مثلا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم il nous cite une telle chose c'est haram et on trouve la parole d'un savant qui contredit on n'a pas envie de dire لكن ce savant il a dit donc peut-être que c'est halal أبداً كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc ce qui spécifie les textes c'est un autre texte. فالحذر من هذا إجماع كذلك إجماع العلماء. أما قول أقوال أهل العلم ça nous aide à comprendre c'est pas une حجة. فسي on a un دليل واضح et c'est un دليل لا بد تقعد savant لا بد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا من تقع un savant deux trois, أقل أكثر لا بد فأكخشتوا même si un autre savant يخالف et si c'est un savant de la sunna ولله الحمد يخالف pas parce qu'il ne veut pas la vérité لكن يخالف parce que c'est un bachar il a oublié il s'est trompé une incompréhension وهكذا هذا un exemple طيب في هذا أقوال العلماء c'est pas une حجة الحذر من هذا on n'a pas le droit de ne pas mettre les choses à leur place أي أقوال العلماء on les comprend et on les utilise comme si c'était une preuve. Abadan. Et on a eu beaucoup d'exemples dans ce dars. مثلا certaines paroles de Cheikh Al-Fawzan La plupart, wallahi alhamd, on les a acceptés, les anasil haq, et certaines masa'il, son qawl, il est marjouh, et on a pris le qawl d'un autre, Cheikh Ibn Uthaymeen, ou Cheikh Al-Albani, ou Cheikh Al-Islam, ou autre, wallahi alhamd, hakada al-ilm, en respectant le savant, lakin, ce qui différencie, c'est quoi? C'est le hujja. C'est pour ça que masa'il al-fidya, dans certains points, on n'a pas pris les mains, il n'y a pas de hujja. Man matu alayhi sawmun fa sama anhu waliyuh. On n'a pas de hujja qui fait sortir de ce umum. On est resté sur le umum. En respectant Ahl al-Ilm. Amma ta'assub. Et penser que la parole de tel savant, c'est comme un dalil, il a forcément haq, même si ça khalif un dalil, c'est min al-jahl wa min al-taqlid. Wa ajma' al-ulama anna al-muqallid, c'est pas un alim. Al-muqallid, c'est un jahil, bi ijma' Ahl al-Ilm. Celui qui suit aveuglément, ça montre que c'est un ignorant. Fala taghtar. La taghtar bihaoula al-muqallida. Tamassak bid-dalil. Et yawm al-qiyama, celui qui s'est accroché au dalil, inshallah, yanjou. Qala fashartu sihhati sawm an-nafl bi niyyatin min an-nahar an la yujad qabla an-niyya munafin lis-siyam min akl wa shurb wa nahwihima. Bien sûr. Amma celui qui a mangé ou bu, thumma il veut mettre niyya là. La condition, c'est un arou, il n'a pas mangé, il n'a pas bu depuis le fajr. Lakin, il n'avait pas l'intention. Comme waqa'a li-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fi hadha al-hal, na'am, yajouz qui mettent la niyya et ils finissent la journée. قال فإن فعل قبل النية ما يفطره لم يصح الصيام بغير خلاف. فانتهينا ولله الحمد. On a fini هذا الكتاب كتاب الصيام من ملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان. Et ce kitab il est naf. Il cite les masa'il avec des phrases très simples, avec des sous forme de points. Et wallahi alhamd, il cite al-adilla pour les masa'il. On conseille nos frères al-inaya bihad al-kitab. Que ce soit ma yata'alaq bi ramadan ou bil hajj ou bil salat, tous les abouab ils sont tayyib. Et le prochain cours, inshallah ta'ala, on lira du même kitab, kitab al-tarawih. C'est munasib pour ramadan. Et je vous donnerai les références et la page. Celui qui n'a pas de kitab et qui veut l'imprimer. Et c'est très court. En un cours ou deux cours. Inch'Allah, c'est très très court. Lakin, des fawa'id tayyiba, inch'Allah ta'ala, min kalam Cheikh Al-Fawzan ou ghayri. Et après, on verra, inch'Allah, on fera kitab Zakat al-Fitr. Kadhalik, pour le mois de Ramadan, on lira hada al-kitab, inch'Allah. C'est une risale, il y a plusieurs rasa'il, majmou' al-rasa'il l'imam ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, il y a plusieurs livres. Et nous, on lira cette risale, risale ibn al-Qayyim ila ahad ikhwani. Une risale nafisa jidda. C'est une lettre que l'imam ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, il a écrit à un de ses frères. Et c'est une nasiha jamila. Nous, bi hajatin ila mitla hadhihi al-nasa'ih. Et il est court, كذلك. Quelques pages. Amma huna ya tahqiq wasi'. Wa illa c'est une quinzaine de pages, rubbama. Et inshallah, on commencera le prochain cours. On lira ensemble kitab bab salat al-tarawih min al-mulakhas al-fiqhi. Thumma, après, notre deuxième cours, ça sera l'étude de cette risala. Et après, on fera que cette risala pour le reste de Ramadan, inshallah. On a choisi cette risala, limada li annaha sahla. Et kadhalik, elle est appropriée pour Ramadan, fiha nasa'ih kathira. Et il n'y a pas de révision à faire kathiran, à part de la lecture. Et il n'y a pas de hifd. Hatta, on se consacre au Qur'an. Li anna Ramadan, c'est shahr al-Qur'an. Fahada, c'est pour ça qu'on a choisi cette risala. Et inshallah, après Ramadan, on commencera des autres livres بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.